Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes samedi le 25 septembre 2021. Bienvenue à ce journal de la mi-journée en langue française. Tout d'abord les titres. Le ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage s'insurge contre ceux qui propagent des rumeurs disant que les intrants agricoles fabriqués par FOMI auraient des conséquences sur la production. Vous l'entendrez. Des coups de feu ont été entendus la nuit de ce vendredi sur la colline Vyuya, commune Mugamba, province de Bururi. Ceux qui habitent demandent le renforcement de la sécurité. Et les taxis véros du parking du marché Sion et ceux d'Orvumera se plaignent disant qu'ils sont malmenés par la police. Et voilà pour les titres. François Akimana assure la mise en onde et à la présentation. Vous êtes avec Jean-Marie Mayonga. Bienvenue encore une fois. Vous n'avez pas Isanganilo? Vous ratez l'essentiel. Ouvrons cette édition par la page Agriculture. Le ministre de l'Environnement et de l'Agriculture et de l'Élevage s'insurge contre ceux qui propagent des rumeurs selon lesquelles les intrants agricoles fabriqués par FOMI auraient des conséquences fâcheuses sur la production agricole. Le ministre de Guy Deroulema l'a dit ce vendredi dans une conférence de presse après l'atelier sur la multiplication des semences qui s'est déroulée au chef-lieu de la province Kayanza. Il a en outre indiqué à la presse qu'il compte organiser une réunion avec les partenaires du secteur agricole et pour désillusionner ceux qui pensent que les fertilisants de FOMI ont un impact négatif sur la production. Suivez ministre Deogui de Roulema. N'urukurukuru wari mu ibarabara bagende bavuga ngo mu kiyaya cimbo ngo ifumbire FOMI kumu. Il y a des rumeurs dans la rue qui disaient que les engrais fabriqués par FOMI ont un impact négatif sur la production rizicole. Je me suis demandé pourquoi les engrais de FOMI sont favorables à l'intérieur du pays et non dans la plaine de Limbo. Je le dis et je le répète, on ne va pas reculer en arrière. Nous n'allons pas abandonner l'usine FOMI pour laisser entrer les fertilisants de mauvaise qualité provenant de l'extérieur. Je pense qu'il y a des spéculateurs qui propagent des rumeurs sur ces fertilisants fabriqués localement. Nous comptons organiser une réunion avec les représentants des agriculteurs, des techniciens en la matière provenant de l'université de l'Isabou, du ministère de l'Agriculture et de l'usine FOMI pour éclairer l'opinion. Le ministre Deogui Deroulema, traduit en français par Evariste Nzikobanyanka. Toujours en page agriculture, les habitants de la province de Ubanza apprécient la disponibilisation des semences de maïs hybride par l'État au début de cette saison culturelle A, mais demandent que ces semences leur soient apportées au moins jusque dans les communes. Ces cultivateurs demandent que le prix de 3000 dessins soit revu à la baisse, car ils sont actuellement confrontés à la pauvreté. À la DPAE Bouanza, on explique que l'État a déjà diminué ce prix, car l'année passée, le kilo s'achetait à 3600 francs burundi. Spescaltas Kabanyana. Les habitants des différentes communes contactées disent qu'ils sont satisfaits d'avoir atteint les semences du maïs hybride pour bien se préparer à la saison culturelle. Ah, celui qui veut acheter ces semences va payer au bureau de la poste proche le nombre de kilos qu'il désire et par après, il amène le bordereau à la DPAE Bubanza pour récupérer ses semences. Celui qui dépasse 25 kilos doit d'abord demander autorisation afin d'éviter la vente illégale de ses semences subventionnées. Selon les responsables à la DPAE Bubanza, les cultivateurs demandent à l'État de disponibiliser ses semences au moins au chef-lieu des communes car ils jugent encore coûteux le trajet jusqu'à la DPAE Bubanza. Il demande aussi que le prix de 3200 francs le kilo soit revu à la baisse car ils disent qu'ils sont confrontés actuellement à la pauvreté. À la DPAE Bouanza, on explique que l'État a déjà revu à la baisse ce prix car l'année passée, le kilo s'achetait à 3600 francs. Et pour ceux qui disent que le trajet jusqu'à la DPAE Bouanza est long, Emmanuel Ndikubaganwa, directeur provincial à la DPAE, explique que cette direction ne dispose pas de véhicules pour transporter ces semences jusqu'au niveau des communes. Il précise cependant que les acheteurs peuvent collecter les bordereaux et les confier à l'un d'entre eux et qui peut alors récupérer toutes les quantités achetées à la DPAE. Spescaritas Kabanyana, Ubanza, Radio Isanganiro. Merci à toi, Spescaritas Kabanyana. Page sécurité sans transition. Plusieurs coups de feu ont été entendus dans la localité communément appelée Mugwingwe sur la RN7, sur la colline Vyuya de la pro de la commune Mugamba, province Bururi, la nuit de ce vendredi. Il s'agit d'une embuscade étendue à un véhicule qui roulait sur Bujumbura et qui est parvenu à continuer la route grâce à une intervention rapide des militaires en patrouille sur place, selon le chef de cabinet du gouverneur de Bururi. Les habitants de cette localité demandent le renforcement de la sécurité et l'administration leur demande d'informer à temps chaque fois qu'il y a une situation suspecte. Jean-Pierre Misago. Pendant environ une heure de temps, à partir de 19h30 de ce vendredi, des coups de feu ont été entendus dans la localité communément appelée Mugwingwe, en commune Mugamba sur la route nationale numéro 7, selon des sources sur place confirmées par la police et l'administration à Bururi. Des malfaiteurs armés non encore identifiés ont en effet tiré sur un véhicule Subaru qui roulait sur Bujumbura en provenance de Matana, et les militaires en patrouille dans cette localité ont riposté, permettant ainsi au véhicule ciblé de continuer sa route malgré les 6 impacts de balles qui n'ont blessé personne, selon Juvan Daikeza, chef de cabinet du gouverneur de Bururi. Selon lui, il s'agit d'actes criminels visant à terroriser la population paisible et qui vaquent normalement aux activités de développement. Ils doivent être recherchés et arrêtés pour être traduits en justice, selon le chef de cabinet du gouverneur de Bururi, qui appelle la population de la localité à participer activement dans le maintien de la paix et de la sécurité dans cette localité. Il s'agit d'une deuxième embuscade dans cette localité en 2 semaines, la dernière en date étant celle de Tchogo, où 12 personnes ont été blessées. Un camion transportant du charbon calciné avec 9 suspects arrêtés. Jean-Pierre Misago, depuis Bururi, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h passées de 3 minutes, le journal continue. Les taxis vélos ayant le parking au marché d'Ish Sion et ceux de Ovumera se plaignent qu'ils sont malmenés par la police depuis un certain temps. Ils disent qu'ils sont souvent arrêtés sans qu'ils aient transgressé la loi. Ils déplorent qu'ils doivent payer des amendes sans quittance pour être relâchés. Ils demandent aux autorités de résoudre la question pour qu'ils puissent travailler en paix. Contacté à ce propos, le porte-parole de la police n'approuve pas les faits. Il appelle cependant les taxis vélos à dénoncer ces policiers. Sheila. Nous sommes au marché d'Ishe Sion, tout près de l'entrée où se trouve un parking de taxi-vélo. Ceux qui font le transport des personnes et marchandises depuis ce marché se plaignent qu'ils sont malmenés par la police. Ils regrettent que cela se fait alors qu'ils n'ont pas violé la loi. Nous utilisons notre force et puis nous voyons des gens nous arrêter sans toutefois nous dire la faute que nous avons commise. Si nous demandons, l'on nous répond que nous avons mal stationné. On nous arrête sans motif, mais nous ne dépassons pas les ponts. Il faut qu'ils nous disent pourquoi ils nous arrêtent. Une fois appréhendés, une somme leur est demandée pour qu'ils soient relâchés et demande aux responsables de résoudre la question pour qu'ils puissent travailler en paix. Il faut qu'ils nous disent la partie où nous pouvons stationner et qu'ils nous respectent dans notre travail parce que nous utilisons notre force, nous ne sommes pas des voleurs, nous voulons que notre pays soit développé. Des policiers nous arrêtent pour payer des amendes. Comment allons-nous subvenir aux besoins de nos familles? Nous demandons à l'État qu'il nous protège, car nous utilisons notre force. Nous voulons de la sécurité dans notre travail. Cette situation se présente également au parking qui se trouve sur le marché de Ruvumera. Les taxis vélos déploient qu'ils sont obligés de payer cette somme alors qu'ils paient les frais de stationnement chaque mois. Contacté, la police n'a pas approuvé les faits. Le porte-parole de la police appelle ces taxis vélos à dénoncer plutôt les policiers qui font ces actes. Il les appelle à passer par le numéro 413 pour être rétablis dans leurs droits. Merci à Sheila Irambona. Le commissaire du marché de Kayanza a démis de ses fonctions depuis l'après-midi de ce vendredi sous l'ordre du gouverneur de la province Kayanza. Antoine Nirgonza est accusé par cette autorité provinciale de ne pas respecter les recommandations de l'administration provinciale depuis le mois d'avril, et parmi lesquelles figure la démolition des kiosques érigés sur des caniveaux et la suspension des activités commerciales qui barrent le chemin aux camions-citernes extincteurs qui interviennent en cas d'incendie. Et rendons-nous à Ngozi où des grognes des habitants du quartier Rusuguti au chef-lieu de la commune et province Ngozi suite à la coupure d'électricité qui vient de durer plus de 2 semaines. Il parlait de l'arrêt de certaines activités qui leur permettaient de vivre. La Régie des eaux avance une panne d'un transformateur comme raison de cette coupure et a indiqué que ce problème est déjà connu par les autorités hiérarchiques de cette société. Apollinaire Muzagara depuis Ngozi. Ceux qui se lamentent plus que les autres sont les détenants des pâtisseries dans lesquelles se trouvent du lait, des boucheries, des ateliers de soudure, des salons de coiffure et autres qui exercent des activités nécessitant de l'électricité quotidienne. Ils déplorent cette coupure qui perdure depuis plus de 2 semaines, indiquant qu'ils mangent chaque jour quand ils travaillent, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a du courant électrique dans la régie des habitants disent avoir du pain sur la planche. Actuellement, pour vivre et faire vivre leur famille, ils demandent par conséquent à cette société de distribution d'eau et d'électricité de trouver remède à ce problème afin de reprendre la vie, car ils disent qu'ils vont payer les loyers des maisons et kiosques alors qu'ils ont passé tout un mois à la maison. Les responsables du service électricité à la régie des Ngozi parlent d'un transformateur en panne, sans plus de détails, indiquant tout de même que la question est déjà connue par les autorités hiérarchiques de Bujumbura d'Ngozi. Apone Muzagara, Radio Sangani. Rendons-nous maintenant à Chibitoke où plus de 10 ménages de la zone Chibitoke de la commune Erugombo sont déjà victimes des vols au cours de ce mois. L'administrateur de la commune Erugombo demande aux administratifs à la base de faire l'identification de leurs habitants afin de s'enquérir de ceux qui sont de leur ressort. Le commissaire provincial de la police est quant à lui demande le renforcement des comités mixtes locaux de sécurité. C'est certains commerçants des boissons de la Braoudi se lamentent des clients qui volent les bouteilles vides pour les mettre sur le marché. Ces commerçants demandent que cette société donne des éclaircissements sur la vente des bouteilles vides et ou non autorisées. Dans la réunion des administratifs de la commune de Mukaza, le commissaire communal de la police a promis de bannir cette vente si du moins la Braoudi se prononce. Suivez le commissaire Guillaume Magorgo. Moi, je dirais que la responsabilité dans tout cela revient à la Braoudi. Vous savez, ils n'ont jamais interdit la vente des bouteilles vides. Et la Braoudi elle-même n'en produit pas. Quand quelqu'un veut s'engager dans la vente des boissons de la Braoudi comme grossiste, on lui demande d'amener les bouteilles vides. Où est-ce qu'il en trouverait? C'est pourquoi les bouteilles sont vendues au marché de Ruvumera ou même ailleurs. Bon, l'administrateur de Mukaza a promis de chercher des éclaircissements là-dessus. Et le jour où on nous dira que cette vente est prohibée, rassurez-vous, en une seule journée, la mesure d'interdiction sera exécutée. Page commerce et certaines femmes regroupées au sein des coopératives et exerçant le petit commerce à la colline Runanira 2 de la commune et province Kirundo épargnées dans des caisses s'occupaient de générer des conflits sociaux en cas de vol. Gérani Yungeko, chef collinaire Runanira 2, appelle ces femmes à conserver leur argent dans les banques et dans des microfinances d'épargne et de crédit. Le point avec Agnès Nomagazé depuis Kirundo. Deux caisses d'épargne et de crédit ont été déjà volées sur la colline. Cela se passait dans deux associations villageoises collinaires, comme l'a déclaré le chef de colline, Runanira 2. Certaines parmi les femmes qui font l'épargne dans ces caisses affirment que ces caisses sont conservées dans le ménage. Et quand c'est proche des mois de fin d'année, il y a souvent une grande somme d'argent dans ces caisses car il n'y a plus d'octroi de crédit. Ces femmes affirment encore que s'il advient que la caisse soit volée, le conservateur doit payer. Cela désolidarise l'association car les accusations sont portées au conservateur de la caisse comme ayant le rôle dans le vol. Souvent, le conservateur de la caisse, comme la même source continue à l'indiquer, le conservateur de la caisse s'est fait aider à payer cette somme d'argent par son mari et que souvent le mari refuse de l'aider à payer parce qu'il ne sait pas la somme totale qui était dans cette caisse et encore le voleur qui l'a volée. Souvent, et cela plonge ses couples dans des conflits infinis. Ces femmes ajoutent que si cela arrive, elles enregistrent une perte et les projets prévus dans cet argent ne sont plus mis en œuvre. Gérard Nioyitungie, chef de colline Runanira 2, interpelle à toutes les femmes d'épargner dans les institutions de microfinance ou dans les banques des institutions d'épargne de crédit légal, car ça les aidera à épargner en sécurité et à arriver à réaliser les projets de développement. De Kirundo, Agnès Nahumagadze pour la radio Isanganiro. Merci à toi, Agnès Nahumagadze. Revenons sur la nouvelle de Chibitoke où plus de 10 ménages de la zone Chibitoke de la commune Rugombo sont déjà victimes de vols au cours de ce mois. L'administrateur de la commune Rugombo demande aux administratifs à la base de faire l'identification de leurs habitants afin de s'enquérir de ceux qui sont de leur ressort. Le commissaire provincial de la province, quant à lui, demande le renforcement des comités mixtes locaux de sécurité. Alexis Ndaïlagidje, correspondance depuis Chibitoke. C'est plus de 10 ménages victimes de vols se trouvent sur la colline Chibitoki de la commune Rugombo. Là, c'est seulement au cours de ce mois. Les victimes de ces forfaits indiquent que les voleurs trouvent les murs des maisons et parviennent à entrer dans les maisons. Les victimes affirment que ces bandits volent des radios, des télévisions, des objets ménagers, des vivres, des coussins pour n'en citer que cela. La population de la zone Rugombo demande aux forces de l'ordre de renforcer les rondes nocturnes afin de traquer ces bandits et que ces derniers soient sanctionnés exemplairement. L'administrateur de la commune Rugombo, Gilbert Manilakiza, demande aux administratifs à la base de faire l'identification de leur population tout en indiquant que plusieurs de ces voleurs habitent surtout dans les maisons en construction et que d'autres se reposent dans les lieux de projection de films le jour et opère ses forfaits la nuit. Le commissaire provincial de la police à Chibitoke, Jean-Baptiste Vigirmonemi, quant à lui, demande à la population de veiller également à leur sécurité et surtout de renforcer le comité mixte de sécurité. Depuis Chibitoke, Alexis Ndaïlagidje, Radio Isanganiro. Merci à toi, Alexis Ndaïlagidje. Et bien voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Et je vous rappelle que vous étiez avec Jean-Marie Mayonga à la présentation, François Akimana sur la mise en onde. Encore une fois, merci. Mais juste après, c'est la revue de la presse. Bon week-end chez vous. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon votre zone d'écoute. Le financement de la Banque mondiale passe de 300 millions à 500 millions de dollars américains, rapporte le journal Burundi Echo. Il s'agit de l'appui financier de la Banque mondiale au Burundi pour le développement socio-économique qui est passé de 300 millions à 500 millions de dollars américains à partir du début de l'année budgétaire 2021-2022. Comme l'a indiqué Véronique Kabongo, représentante de la Banque mondiale au Burundi, mardi le 21 septembre 2021. Son confrère indique que Kabongo a fait savoir qu'elle est venue voir le premier ministre de la République du Burundi, Alain Guillaume Bunyoni, pour confirmer l'appui de la Banque mondiale au Burundi, notamment à travers le financement des projets importants qui vont aider le pays à se développer au niveau socio-économique. Les domaines visés sont variés. Ce sont notamment la facilitation du commerce, la digitalisation, la construction des routes et des infrastructures, ainsi que la protection sociale, précise encore cet hebdomadaire socio-économique. La brigade spéciale anticorruption, désormais incorporée dans le commissariat général de la police judiciaire, rapporte l'agence burundaise de presse. Son confrère écrit que c'est le ministre en charge de la sécurité qui a présenté mardi à l'Assemblée nationale un projet de loi irrelatif. La BP ajoute que l'une des innovations portées à la loi organique portant révision de la loi organique du 20 février 2017 portant mission, organisation, composition et fonctionnement de la police nationale du Burundi et que la police sera désormais dotée de 3 commissariats généraux tandis que la brigade spéciale anticorruption sera délocalisée vers le commissariat général de la police judiciaire. En plus de ce dernier, les 2 autres commissariats généraux retenus sont le commissariat général de la sécurité intérieure et le commissariat général chargé des migrations. L'ABP note aussi une proposition du ministre Ndela Kobucha d'une haute hiérarchie de la police nationale du Burundi, parallèlement à l'état-major de la force de défense nationale du Burundi, et qui serait composée du cabinet de l'inspecteur général de la police nationale, des bureaux techniques et des commissariats généraux. Revue de la presse. Quand l'argent désacralise le tambour, titre le journal Iwacu. En effet, explique cet hebdomadaire, les gardiens du sanctuaire du tambour sacré d'Ogishora s'insurgent contre des groupes de tambourinaires qui vendent leurs services en battant le tambour pour agrémenter les mariages ou fêtes de famille. Pour eux, c'est un sacrilège qui mérite d'être puni. Ils aimeraient que le règlement en vigueur soit respecté. Dans les campagnes, le tambour est à la fois respecté et populaire. Il proclame les plus grands événements du pays, notamment lors des célébrations de l'indépendance ou pour accueillir des invités de marque, font-ils remarquer. Par contre, en ville, estiment-ils, toujours dans les colonnes de cet hebdomadaire, les hommes et les femmes riches considèrent que le tambour est semblable à la guitare ou autre instrument de musique qu'on peut acquérir quand on en a besoin. De son côté, le chef de cabinet du gouverneur de Gitega, Gérard Niwigira, reconnaît que les règlements qui encadrent l'utilisation de l'instrument sont bien là et c'est notre devoir de les faire respecter, confie-t-il au correspondant du journal Iwacu à Gitega. La formation de nouveaux enseignants en pédagogie d'intégration revêt un caractère urgent. Alerte la voix de l'enseignant. Depuis 3 ans, détaille son journal, le gouvernement a introduit dans l'enseignement au Burundi la pédagogie d'intégration et la pédagogie des grands groupes. Il a fallu une formation des enseignants pour pouvoir s'adapter à ce nouveau système d'enseignement où l'enseignant devient facilitateur et le gros du travail est fait par l'apprenant. Aujourd'hui, regrette cet hebdomadaire, de l'éducation, la formation s'est arrêtée alors que le système n'est pas maîtrisé par tous les enseignants. En plus, le ministère de la fonction publique continue à recruter de nouveaux enseignants. Certains n'ont aucune notion en pédagogie. Un responsable d'une école demande la continuité de la formation pour améliorer la qualité de l'enseignement, conclut la voix de l'enseignant. Et c'est la fin de cette revue hebdomadaire de la presse. Elle vous a été présentée par Raissa Liliane Inamahoro et Eline Belnibigira. Excellent week-end à tous. À la prochaine. Revue de la presse.